On va parler de UFC, c'est du UFC 218 avec notre ami Claude Perron. Salut Claude! Salut Danny. Claude, beaucoup de nouvelles dans le monde du UFC, des arts martiaux mixtes cette semaine. Nouvelles très surprenantes, puis je devrais y parler la semaine prochaine. J'ai commencé les démarches, et normalement ça va bien aller. Mais l'ancien homme OK. fort, Steve Bossé, l'ancien homme fort de la Ligue américaine, Ligue nord-américaine de hockey, qui a fait même des combats dans l'UFC, s'en va dans le monde de la boxe, puis là. Et pas à peu près, là. Il veut Lucien Bouté, il veut Jean-Pascal, il veut tout le monde. Es-tu Ouais. surpris premièrement de ça? Oui, un petit peu. Je pensais que, quand on connaît tous le talent athlétique puis tout ça de Steve Bossé puis tout, mais non, je pensais pas qu'il allait faire un move comme ça, là. Je sais pas si pour lui c'est plus payant ou. Pourtant, l'UFC, il a fait des très très beaux combats, là. Il y a eu des Ouais. combats de la soirée puis tout ça, mais bon, je ne sais pas. Il veut s'essayer dans la boxe. C'est sûr que c'est un gars de stand-up au départ, c'est un gars de debout. Mais à savoir s'il y a de la technique puis tout ça, c'est parce que je sais pas. Ça va être intéressant, Ben on mais l'a bon. vu d'ailleurs dans. On l'a ben c'est sûr qu'on l'a vu d'ailleurs dans le combat McGregor de Mayweather. C'est des combattants d'arts martiaux mixtes, c'est des généralistes. Là, tu vas affronter Ouais. Pascal, tu vas affronter Bouté, calme-toi un peu. Là, il me semble, comme puis à Bon, c'est 36 parce que ans, tu sais. lui, à l'âge qu'il est rendu là, probablement qu'il se dit, bon, Ouais. j'ai plus de temps à perdre, mais bon, il n'est pas de ce calibre, je crois pas, là. Ben non. Mais est-ce que l'argent, parce qu'un gars comme Steve Bossé, là, ça fait pas d'argent, là. On a souvent mentionné qu'en arts martiaux mixtes, comment les combattants étaient pas chers, là. Ça se bat pour 10 000 piastres. Quand tu as fini de payer ton camp d'entraînement, quand tu as fini de payer ton entraîneur, l'impôt qui passe au travers de ça, il te reste peut-être 2 000 à 3 000 pour à peu près 6-7 semaines de travail, puis tu manges des claques, là. Est-ce que ça peut avoir un lien? J'ai hâte d'y poser la question. Oui, probablement. Je ne connais pas la teneur de ces contrats. Il faudrait peut-être regarder que Ouais. normalement, quand c'est aux États-Unis, ils disent les bourses puis tout ça. Mais c'est sûr que Steve, il se bat rien qu'une fois ou deux par année. C'est pas ça qui est le plus payant, là. Puis il ne gagne pas 100 000 du combat non plus, là. Il doit gagner 20-25 000. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais tu ne fais pas une grosse année avec ça, là. Puis Écoute, t'as tout la payé, boxe, ton c'est probablement impôt, plus. ton Puis ici, entraîneur. au Québec, là, il y a peut-être des défis pour lui en boxe. Il peut peut-être. C'est sûr que Steve Bossé, mais il va remplir des salles, là, ça c'est sûr, il est connu. Mais pour l'argent, là, c'est probablement plus payant un peu, là, de faire la boxe. OK. Georges Saint-Pierre. Dana White, hier, a demandé à Georges Saint-Pierre de respecter son contrat. Il y a quatre. Georges, quand il est revenu, il y avait quatre combats. Il est revenu pour quatre combats. On sait comment que ça n'a pas été facile. Ça a sorti là, 2 semaines après son combat. Comment que son camp d'entraînement a été difficile. Puis c'est normal. Dans le fond, le gars, ça fait 4 ans qu'il n'avait pas boxé. S'était pas combattu. Il n'avait pas monté dans l'octogone. Est-ce que c'est une menace que Dana White ou c'est quoi là? Bah, je sais pas, Georges, on sait jamais trop Ouais. qu'est-ce qu'il veut faire. Là, une chose est sûre, il a dit qu'il revenait pour des gros combats, puis il a dit que s'il perdait ce combat-là, il allait arrêter. Bon, il a gagné contre Bisping. Maintenant, est-ce que la motivation est encore là? Il a prouvé à tout le monde qu'il était capable de revenir. Tout a été dur, c'est sûr, là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire après? Bon, Dana White, il parle tout le temps beaucoup, c'est un promoteur, c'est-à-dire qu'il parle, il parle, il Ouais, parle, mais ouais. c'est sûr que Georges, il reste encore des gros combats s'il veut. Je pense qu'il est obligé de défendre son titre une fois. Ensuite, peut-être qu'il parlait de gros combats, là, peut-être contre McGregor, ou je sais pas, fait que là, on va attendre un peu, mais c'est tout un petit peu nébuleux, là, Ouais, Georges. avec lui. Hey, mais surprise, es-tu surpris de voir Bisping 3 semaines après le combat contre Georges Saint-Pierre? Il n'y a pas une règle, parce qu'à la boxe, là, il y a des règlements, là. T'as pas le droit de remonter dans le ring avant, mettons, ça dépend du nombre de rounds que t'as fait. Dans l'UFC, c'est pas de même que ça marche? Oui, c'est comme ça aussi. Ça dépend des commissions athlétiques, là. Puis là-bas, c'était en Chine, là. Ça fait que peut-être Ok. la commission est plus louche un petit peu là-dessus, là. Mais normalement, ils ont des suspensions, là. Ouais. Il y a une suspension automatique. En tout cas, quand c'est ici au Québec, puis On en l'avait. Amérique du Nord, mettons, là, surtout que Ouais. lui, il a perdu quand il s'est quand même fait dropper. Fait que normalement, c'est 60 jours, ça, sans recombattre ou quelque chose de ce style-là. Mais bon, là, vu que c'était en Chine, il J'ai était été mal pris, puis surpris de ça, ils voir ont ça. peut-être réussi à faire des coins ronds. Pardon? J'ai été très surpris de voir ça qui a remonté Oui. aussi vite. Mais c'est un gars qui avait du caractère, hein. C'est un guerrier. Puis en OK. plus, là, il a perdu de façon quand même assez brutale là, par KO là, au premier round. OK. Conor McGregor, lui, on ne sait pas s'il va venir. C'est-tu pour faire monter les enchères pour un autre combat? Aucune idée. Lui OK, ici, je OK. pense pas qu'il refasse de la boxe, là. Ça pas trop. En tout cas, Non, OK. là, il a fait beaucoup d'argent. Il a encore une couple de gros combats là, pour lui aussi dans l'UFC. Sauf qu'il faudra qu'il vienne défendre ses titres. Là. Puis, remarque, il peut peut-être bien s'asseoir sur sa gloire, là, parce que moi, je suis persuadé qu'il va se faire battre là, très, très prochainement par ses prochains adversaires, surtout les champions présentement, à 145 ou à 155. Là, je pense qu'ils sont. Je pense qu'ils sont bien meilleurs que McGregor, personnellement. Mais bon, on va voir, là, peut-être que sa vie a changé. Je sais pas, il vient d'avoir un flow, là, puis il y a plusieurs millions en banque. Fait que Ben dans ce temps-là, les priorités changent pas aussi. ouais. Un combat contre Georges Saint-Pierre, qui gagne? Parce qu'on en a parlé en masse là, après le combat, qui Oui. gagnerait d'après toi? Ah, Georges facilement, parce que ça serait un cauchemar pour Ah ouais, McGregor, OK. parce que Georges a le style parfait. McGregor, il a pas été testé beaucoup au sol. La seule fois qu'il s'est pris vraiment contre un gars de sol, c'est contre Mendez, puis on a vu qu'il s'était fait brasser pas mal, puis on a vu ses lacunes au sol. Ça fait que si jamais il affrontait un gars comme Georges, ce serait le pire de ses cauchemars, là, parce que Georges, lui, il fera pas comme Diaz. Là. Diaz, pourtant, il est très, très supérieur à McGregor au sol, mais il a voulu garder ça debout, parce que c'est une grosse tête de nœud, parce qu'il voulait donner un show. Mais s'il avait amené ça au sol, le combat aurait pas été long, à mon avis. Mais Georges, lui, il niaisera pas avec ça. Il va faire ce qu'il a à faire, puis d'après moi, McGregor, ça ferait soumettre là, en dedans du premier round. Je suis à peu OK. près certain. Ce soir, en Australie, combat d'ultime combat, l'ultime combattant. Sais-tu, ça, tu me corriges, je me trompe, mais ces finales-là d'ultime combattant, ça a servi de tremplin à beaucoup de jeunes athlètes, hein? Oui. Normalement, la finale, souvent, celui qui gagne, ben, il y a un contrat. OK. Il y a un contrat dans l'UFC assuré. Plus un cadeau, plus des bebelles. Puis en plus, oui, ça fait sortir le talent. Normalement, à chaque Ultimate Fighter, il y a même ceux qui ne gagnent pas, il y en a peut-être 3 ou 4 qui sortent du lot, là, puis qu'on revoit après. Oui, c'est un très, très beau tremplin, autant pour l'exposure que pour Mais débuter sa ça, carrière. Hein. s'il y a des ultimes, des combattants ultimes, je veux dire, des ultimes combattants qu'il y en a partout, là. Tu as le gagnant de l'ultime combattant en Australie, tu peux avoir le Oui. combattant en Chine, tu peux avoir lui en Amérique du Nord. T'sais, c'est pas rien qu'un championnat, là. Non, non, non, ça fait plusieurs fois. Il répète la formule constamment, puis c'est bien correct. OK. Ça fait découvrir des. Ça lui fait un show de télé-réalité, mais en plus, ça fait découvrir des nouveaux talents. OK. Demain, Aldo contre Holloway, c'est à Détroit. Es-tu surpris? Détroit, je pense que ça fait longtemps que c'est la première fois que je vois qu'il y a un gala à Détroit. Est-ce que je me trompe? À Détroit même, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, Mais. mais ça va être un excellent gala, là, on a une belle Oui. finale. C'est sûr que c'était pas supposé être José Aldo qui était là au départ, mais Frankie Edgar s'est blessé là, 3 semaines, 1 mois, je pense que c'est cassé l'orbite de l'œil. Puis, bon, José Aldo, il a steppé in, il a dit, bon, moi, je vais y aller, puis ça va être un combat revanche, parce qu'on sait que José Aldo, écoute, il était 10 ans ou 11 ans sans perdre. Ensuite, McGregor l'a battu en 15 secondes. Bon, tu vas pas couper chanceux, mais mettons que le combat finit un petit peu trop tôt, là. On n'a pas eu le temps de voir grand-chose. Puis après ça, en revenant, José Aldo s'est battu pour l'unification contre Max Holloway, puis il a perdu. Ça, c'était la surprise de tout le monde parce qu'il venait de battre Frankie Edgar. Puis bon, contre Holloway, ça a pas. Ça, il y a eu un bon premier round, puis après ça s'est gâté. Mais c'était un très bon combat. Puis, bon, José, il est resté sur un goût amer de ça parce qu'il a dit qu'il n'est vraiment pas livré une bonne performance. Fait qu'on va voir. Tandis que Max Holloway, je pense qu'il est à 10 ou 11 victoires d'affilée, là. Il est sur une grosse lancée. Puis, c'est un gars qu'on a vu progresser, ça, tranquillement, pas vite, là. Justement, depuis les Ultimate Fighter, ces affaires-là. Fait que ça va être un combat qui va être très, très intéressant. OK. Il y a un autre combat qu'on me dit qui pourrait être bon, c'est Francis Ngannou contre Alistair Overeem. Ouais, ça va être qu'un combat de Ouais. gros bonhommes, là. Deux gros bonhommes. Francis Ouais. Ngannou, c'est un Français. Lui, ce gars-là, il a 4 ans, il savait même pas c'était quoi le MMA. Okay? OK. Imagine. Puis, c'est un gros bonhomme hyper athlétique, très talentueux aussi, il apprend super vite. Il est 10-1, puis il a eu tous des KO là, au premier round, ou à peu près. Il a battu Arlovski, ça c'est son plus gros fait d'armes. Mais là, il va se prendre, là, il tombe contre des grosses, grosses pointures. Tous ses prochains combats vont être contre des gars connus. Mais là, c'en est tout le cas. C'est Alistair Overeem, on sait qu'il était champion de K1. Il était champion Pride en MMA. Il était champion aussi Strike Force, poids lourd, dans l'UFC aussi. Écoute, c'est tout que. Hein, probablement un des meilleurs poids lourds de tous les temps présentement. Puis c'est sûr qu'il n'est plus ce qu'il était, mais quand même, là, ça va être c'est vraiment la vieille garde des poids lourds, si on veut, contre la jeune vedette montante. Là. Ça va être un combat spectaculaire aussi. C'est pas des gars qui vont aller au sol beaucoup, c'est des gars qui aiment se taper dessus. Fait que ça va être spectaculaire, puis il faudra pas cligner des yeux parce que le premier qui va collecter, d'après moi, ça va mettre son combat assez rapidement. Et surtout qu'Overeem, il n'y a plus une grosse mâchoire. Fait que ça va être pas pire à voir. Et Eddie Alvarez contre Justin Gage. Oui, ça c'est ben, justement les deux coachs de l'Ultimate Fighter. 26. Qui était féminin cette année. Puis ça va être tout qu'un show aussi. Écoute, là, Justin Gage, là, il est 18-0, il faut le prendre au sérieux maintenant. Il est très, très bon. Là, mais par contre, ça va être son plus gros test, là, parce qu'il dit Alvarez, là, c'est pas n'importe qui. C'est sûr qu'il avait fait des bons combats, là, Gage avant, mais là, cette fois-là, c'est lui aussi son plus gros combat. Puis écoute, s'il gagne ce combat-là, on n'aura pas le choix de l'envoyer pour le championnat, là, ça c'est sûr. Effectivement. Claude, on se reparle 219, sinon ben ça va être pour la rétrospective de l'année. C'est bien parfait, Danny. Claude Perron, notre spécialiste des arts martiaux.